Mes amis, changez mètre, changez métier. Pour raconter nos bagages qui passent. C'est vérité, c'est pas menti. Parce que toujours dit, oh oui, c'est coupé, t'as plein de foncer et des bagailles. Mais je dis à une bonne vérité, faut être capable de t'en dire. Et bien c'est ton camarade qui est le Marcel. Mais sa vie, par contre, ça passe le ciel. Il vit une barre avec une fille. Et puis il dit fille à l'remen. Non, parlez, fille à mener chez la Kaili. Dès qu'il veut la Kaili, il fait connaissance avec maman fille. Il fait connaissance avec papa fille. L'aime tout ça, faut pas plus. Il vit dans la Kaila. Depuis là, c'est chaque soir, c'est Vichita Kafia. C'est pointi bouche, mettre en bouche fille pour la praler, tu la Skaoul. Vous comprenez? C'est mettre maintenant un petit bouton radio, à chercher un petit poste caso. Qui pense rebelle, comprends-moi? Et puis ça me descend, dit Méni, à dactylographier. Oui, oui, oui. Mais, quand il me chante, à son cas, il cante, c'est pas qu'on a qui condition là. C'est qu'on est, pas qu'on est fait pour l'école là. Mais, là, j'ai vu la cafille, il va jamais manquer dans la chambre. C'est toujours salon avec galerie. Et puis, il y a aussi tellement vu habituer ensemble. J'ai vu une alliance avec nous dans la cala. J'ai apporté le sort en dedans. Et bonjour, monsieur dans dedans, la passé, et puis il voit ici dans ta cabane fille. Il dit ouais, il y a un ouzi coqué. Il garde bon ici, il y a un fusil Spenfield. Il garde l'autre bord, il y a un 45. Il garde dans ta cabane, non, mais non, bon, comme un cas qui coque dans ta cabane, non. Oui, ah, monsieur Finot qui est dans la là, monsieur Bagadi, rien. C'est G, ouais, bouche P. Monsieur Boula, fille, boule, boule. Boule avec fille à la Kaila. Oh oh. Bonjour. Ça vient passer, monsieur. Où qu'on est? Bon bagay femme toujours fait. Par exemple, elle gomme pour nous amener. L'elle gomme à Rili. Vous comprenez moins. Dis toujours qu'on bagay fait. Comme d'adou. Dis toi, bah, dis pour de charme. Bagay son qu'on l'est pas à dis pour de charme. Mais moi-même, changé non. M'barre l'est pour de charme. Yo, elle est ça. Tu voudras. Tu voudras, dis pète fièrement à l'éria avec tu voudras. Donc, comme aller à une petite cap, il pas poché de l'Ibaro non y'a encore, il vit une ou est à table. Comment, et quand la son caille canté, je pas comme ça, je pas connaître si fille à tes fillettes là l'eau. Si t'es premier sergent, me dis ça lui, il pas comme bagage ça. Si t'es témoin Jéhovah, il pas comme bagage ça. Ça vient de l'Ibronet, oh, vivre avec fille. Bonjour dimanche, je viens manger gravia. J'ai fini bien manger, non bien manger. Et puis, pourquoi on est des bons noms qui manger bien manger? Vont tout plein correctement. Ouais, l'autre bagaille pour faire, pour qu'on finit, mais comment c'est rentré? Au bécaille, c'est rentré. C'est quand tu bouches misère, 16e zoubi. Tu as quand tu bouches bon, 3-8e zoubi. Et puis, il y a couché sous le cabanon, il y a pas les causés. Il n'y a pas l'océan qui de bagaille longtemps, bagaille, allez, mais les vignes, bagaille ça, yo. Par contre, ça finit passer. Mamzelle font virer d'ol. Et puis Marcel fait ça le garder dash. Fia, son quoi c'est du fia. Chérie, sur ta jupe transparente, j'aperçois des moustaches. Oui, soit attendez ya. Cap Marcel prend vent. Marcel cap en l'air, cap il prend vent. Oui, oui. Dans pour l'autre moment, nous avons Marcel qui fia. Chérie, en alpha. En alpha. En alpha, oui. Fia même des trois bêtes, j'en bagaille là. Fia couché sous dos. Ouvert ses lits. Marcel même barrette. Oui. Chut, zouka. Chut, zouka. Chut, zouka. Chut, zouka. Oui. Oui. Maman, j'ai dit, gardez nos Marcel. Marcel. Pas femme soit femme non. Pas femme soit femme, pas permettre ou femme soit femme non. Descends nous carbone non. Habillez ou, m'a arrêté ou. Marcel dit oh, chérie, soit faire comme ça. Soit faire comme ça. C'est Marie ou soit faire comme ça. C'est Marie ou soit faire comme ça. Madame Marcel dit détaille. Faut arrêter ou, descends carbone habillez ou. Madame Marcel levé le point blé, le mettre sous lit. Il prend cartouche, elle passe dans René. Il prend un fusil, met en donné, il dit Marcel, devant. Ouais, Marcel, même pour diable, il prend aller. Le patron qui s'en tape tomber. Il prend un piège, il va connaître. Dernier venant caserne, non. Commandant dit, oh, madame Marcel, qui peut vous mener pas là? Oui, commandant. Pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Où ça Marcel fait dans la dans place, moi, pour ta bagay là. Pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Comment commandant, oui, sous vos bagages, est-ce que j'aime connaître? Hein, vos bagages, faut qu'on est bien. Civil pas, j'aime pour être prêt, bah chef. Dis civil, papa, chef prêt. Je vais vous défouquer.